Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Regardez. Regardez là-bas. Regardez. Grondent sourdement toutes les machines humaines. C'est un grand champ d'herbe qui vient de se dérouler comme un tapis qui s'étale. Ce n'est même pas un de ces champs de blé qu'on a arrachés de partout, non? C'est une inutile prairie. C'est de l'herbe qui ne peut servir qu'à des bêtes. Mais c'est plein de fleurs. Et c'est même un monstre botanique. Il y a de la violette, de la gentiane, des persenèges, des pavots, des pervenches, des orchis vanillés, des arnicas, des millepertuis, des saponaires, des grenades, des lys, des lilas, des églantines, des fèves, des flouves, des avoines et des chardons bleus éblouissants comme les soleils de nuit. Car le champ n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qu'il se mettait sur la peau. Il était obligé tout d'un coup de se dérouler et d'aller battre dans les guêtres de ses guerriers de fer. Oh, il n'a pas fait grand-chose. Il n'est pas venu battre jusqu'ici. Il s'est à peine déroulé dans le fin fond du lointain. Mais son étrange lumière éclaire un autre monstre. Une sorte d'être qui bouleverse toutes les lois de la biologie spirituelle. L'homme dont l'âme est pure. On ne peut le saisir dans aucune science. Il est à la fois toute l'échelle de Jacob, dont le pied était appuyé sur la terre et dont le haut touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient le long de l'échelle. C'est un archange animal. Il échappe à tous les classements et à tous les ordres, à toutes les logiques, tous les mélanges, toutes les mesures communes, tous ces mots, tous ces jeux, tous ces bavardages de pétrisseurs de mortiers, tous ces jeux de constructeurs de Babel, avec leurs hommes sable, leurs hommes ciment, leurs hommes pierre, leurs hommes charpente, leurs hommes matériaux de construction. Il est impétrissable. Il ne peut se mélanger en rien à ce que vous bâtissez. Vous le tuerez peut-être, vous ne l'emploierez pas. Mais le tuer, avec lui, c'est un jeu qui se joue à deux. C'est un archange animal, naïf comme un veau céleste, éberlué de joie devant le monde, le museau verni de lumière et de poussière de fleurs, pas du tout embarrassé de ses grandes ailes qui plient autour de lui comme un burnous de nomade, comme un manteau de cavalier, comme une robe de moine. C'est lui qui a fait se dérouler le champ. Ça a été très facile. Il savait des noms de fleurs. Il s'est répété ses noms pour lui-même entre ses lèvres saines et, brusquement, les fleurs véritables sont nées avec une telle force d'explosion que le champ s'est élargi en faisant sonner l'horizon comme la tôle d'un tonnerre. Les squelettes courent de tous les côtés en plantant de ci de là leurs tabourets militants, se frappent l'os du poing d'os, crient la doctrine d'os de leur bouche d'os, descendent du tabouret, courent, le replantent, crient, courent, crient au milieu du flot des armées des fourmis de fer qui fluent et refluent de balancement de terre en balancement de terre, affolés de voir sourdre du sang véritable de leur bielle d'acier, affolés de reconnaître l'odeur de la pourriture, affolés de sentir que leur cervelle vivante se reforme comme un champignon blanc dans le carburateur chimique où coulait l'essence du chef. Pourtant, qu'est-ce que c'est? Un peu de lumière là-bas dans le lointain, et juste cette petite odeur de réséda. On en a déjà détruit combien de ces monstres cosmiques? C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.